Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Question 60. De la distinction des vertus morales entre elles. Diversité des vertus morales. Celles qui dirigent les passions et celles qui règlent les opérations. Pluralité de ces dernières, comprises dans l'idée de justice. Pluralité de celles qui dirigent les passions, leur distinction, d'après les objets des passions. 1. N'y a-t-il qu'une seule vertu morale? Nous l'avons vu, les habitudes ne sauraient exister dans plusieurs puissances à la fois, et, d'un autre côté, elles diffèrent d'espèce par les objets auxquels elles se rapportent, il en résulte que les vertus morales, habitude de notre parti appétitif qui se divise en plusieurs puissances, sont multiples. L'action de la raison qui leur donne naissance se compare assez bien à celle du soleil produisant dans la matière des effets divers, selon la diversité des proportions qu'il y rencontre. L'appétit, qui est raisonnable par participation et non par essence, en reçoit diverses impressions, suivant les différents rapports que ces objets ont avec elle, de là vient qu'il y a diverses vertus morales, et non pas une seule. 2. Les vertus morales qui règlent les opérations se distinguent-elles de celles qui régissent les passions? À ne voir que les effets, toutes les vertus morales renferment des opérations qu'elles produisent, et le plaisir ou la douleur, qui sont des passions. Mais, à considérer leurs objets, les unes président aux opérations, et les autres aux passions. Cela se conçoit. Certaines opérations, les achats, les ventes, les contrats, en un mot toutes les actions où l'on n'envisage que le droit d'autrui, se jugeant indépendamment des dispositions intérieures de l'agent. Il doit exister une vertu qui les règle et les dirige en elle-même. Cette vertu, c'est la justice. Il est ensuite d'autres actions qui sont jugées bonnes ou mauvaises d'après leur rapport avec nos dispositions intérieures dont elles tiennent leur qualité. Il faut donc aussi que certaines vertus règlent nos sentiments intérieurs, que l'on nomme passion, et telle est la fonction de la tempérance, de la force et des autres habitudes pareilles. Observons ici que les opérations qui se rapportent au prochain sont souvent viciées par les passions intérieures, et que, dans ce cas, deux vertus sont blessées. Celui qui, par colère, frappe injustement quelqu'un, offense tout à la fois la justice et la douceur. 3. Une seule vertu morale préside-t-elle à toutes nos opérations à l'égard du prochain? Toutes les vertus morales qui concernent nos opérations à l'égard du prochain se résument dans la justice, bien qu'elles soient distinctes par l'idée spéciale qui caractérise la nature de nos devoirs, car on doit autrement à un égal, autrement à un supérieur, autrement à un inférieur, autrement par convention, autrement par simple promesse, autrement par reconnaissance. La religion, par exemple, rend à Dieu ce qui lui est dû, la reconnaissance rend au bienfaiteur ce qui leur est dû, la piété filiale rend aux parents ce qui leur est dû. Nous reviendrons sur ce sujet, en traitant des différentes sortes de justice. 4. Faut-il différentes vertus morales pour régler les diverses passions? Diverses vertus morales président au gouvernement des passions, qui appartiennent, les unes, à la faculté concupiscible, les autres, à la faculté irascible. Mais, plusieurs passions étant opposées par la loi des contraires, et plusieurs aussi blessant la raison de la même manière, on ne peut pas dire que la même vertu n'en saurait diriger plusieurs. Toutes celles du concupiscible, en effet, tendent au même but et se suivent dans un certain ordre, l'amour engendre le désir, et le désir la joie, la haine produit l'aversion, et l'aversion la douleur. Il n'en est pas ainsi, toutefois, des passions de la faculté irascible. Celles-ci tendent à des buts divers. La crainte et l'audace regardent les grands périls, l'espérance et le désespoir, le bien difficile, la colère, un mal préjudiciable dont il faut tirer vengeance. Par conséquent, si une seule vertu, la tempérance, suffit à la direction des passions du concupiscible, il en faut plusieurs à celle de l'irascible. Aussi la force modère la crainte et l'audace, la magnanimité, l'espérance et le désespoir, la douceur, la colère. 5. Les vertus morales se distinguent-elles d'après les objets des passions? Les vertus morales sont diverses, suivant les différents rapports que les passions ont avec la raison. En d'autres termes, les diverses affections de l'âme réclament diverses vertus, en se rapportant différemment à la raison. Sur ce fondement, Aristote a distingué, pour le gouvernement des passions, 10 vertus morales, qui sont, premièrement, la tempérance, deuxièmement, la force, troisièmement, la libéralité, quatrièmement, la magnificence, cinquièmement, la magnanimité, sixièmement, l'honneur, septièmement, la douceur, huitièmement, l'affabilité, neuvièmement, la vérité, dixièmement, la gaieté honnête. En ajoutant la justice, qui se rapporte aux opérations, nous aurons en totalité 11 vertus. Note. Ces différentes vertus sont définies et expliquées dans la seconde section de cette partie de la somme. Nous n'insistons pas, pour le moment, sur les raisons qui les distinguent. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.